On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992, www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un mettre tout à fond, que je vous fais chier à casser vos merdes. Tu crois que ça va être? Tout à fond, le rock c'est tout à fond. Rock and roll. I'm the gun, I bet you know. Wow! On the rocks. Wow! J'ai une pêche aussi. Bonsoir, c'est Manu dans The Rocks comme tous les lundis soirs de 19h à 20h30 désormais. Après un joli week-end de festival au pop-up à Orléans, on en reparlera avec une très très belle rencontre, celle de Bloomy, l'artiste qui m'a fait la joie et l'honneur de me, non seulement de me livrer une interview assez fabuleuse, mais de m'offrir deux morceaux acoustiques. On en reparlera dans une émission spéciale. Après une belle retrouvaille et une belle interview de Laetitia Sheriff, eh bien je vous retrouve dans les studios pour une interview ce soir, une émission spéciale d'une interview réalisée au cœur de l'été, alors que les concerts reprenaient doucement, au cœur de l'été essentiel et des concerts essentiels donnés à Orléans. C'était l'interview de Sarah McCoy. I'm John and I too play guitar. Sometimes I play the fool. Yeah, give me some. Et puisqu'on parle de grandes voix et de grandes personnalités, un peu soul, un peu blues et un peu roots comme ça, on va en avoir notre dose avec Sarah McCoy tout à l'heure pour la troisième entrevue qu'elle a accordée à On The Rocks en quelques années. Eh bien, on va commencer l'émission avec un extrait du dernier album de Shannon and the Clams, ce groupe que j'ai hâte de voir sur scène. J'espère qu'ils passeront un jour pas loin de chez nous. Shannon and the Clams, voilà, c'est un groupe qui semble être resté coincé dans les 60s et même les 50s, un peu comme l'était Amy Winehouse, avec un peu le même talent, avec une chanteuse assez incroyable à leur tête, Shannon donc, qui a été élevée chez les Mormons, dans une famille plutôt aimante, mais une famille où on disait que la musique véhiculait des mauvaises valeurs, donc la musique était interdite, sauf la musique des années 50 et la musique des années 60. Ceci explique peut-être cela. Voici un extrait du dernier album de Shannon and the Clams, après un album solo de Shannon, elle toute seule elle-même. Ça s'appelle Goldstone, et c'est dans The Rock, c'est pour ouvrir. Allez, c'est le coup de cœur. Glad upon the choppy topping, watching strange rules even hold. Distant scream guns like a beamer, watching scales weave to and fro. This endless gnawing coral castle, others slink into the dark. Follow the godstone as he floats down, watch the scales they Oh, Shannon and the Clams dans The Rocks avec Goldstone. Et à l'instant, c'était Robert Plant et Alison Krauss, la star anglaise, évidemment, du rock des années 60-70. Évidemment, chanteur de Led Zeppelin, avec la star de la country américaine Alison Krauss. Ils avaient déjà livré un album qui avait eu un énorme succès aux États-Unis il y a une quinzaine d'années, pratiquement uniquement composé de reprises. Bah, là encore, c'est une reprise. Can't Let Go, avec un titre qui annonce un nouvel album de Robert Plant et Alison Krauss. Et c'est vrai que leurs deux voix vont merveilleusement bien ensemble. Robert Plant s'est un peu calmé, il n'hurle plus et ça fait du bien de retrouver ces deux voix là, comme ça fait du bien de retrouver Shannon and the Clams. Voici quelqu'un qu'on est aussi content de retrouver. J'en parlais d'ailleurs avec Laetitia Sheriff dans l'interview que je diffuserai dans quelques semaines maintenant dans The Rocks, enregistrée donc dans les backstage du festival Hop Hop Hop. C'est Nick Cave qui a traversé une période absolument atroce de deuil parce que son fils est tombé d'une falaise, s'est tué. Donc il a fait deux albums, les deux derniers qui étaient à la fois superbes et effrayants. Eh bien, il revient avec, alors c'est plutôt des raretés, des faces B, je crois, qui datent un peu. Il revient avec ce morceau qui s'appelle Vortex, et on retrouve donc le Nick Cave et les Bad Seeds dans ce qu'ils avaient de meilleur. Voici donc une nouveauté qui n'en est pas une, Nick Cave and the Bad Seeds avec Vortex. When my love comes down Message on ne peut plus clair de Sean Marshall alias Cat Power sur cet album qui est une bande originale du film, la bande originale du dernier film de Son nom m'échappe, ça y est je l'avais à l'instant, voilà il est parti, mais c'est pas grave, Sean Penn, ça y est il est revenu, donc c'était le morceau I Am The Map, ça aurait pu s'appeler Fuck You All, mais non c'était I Am The Map, et sur cet album donc où on retrouve quelques morceaux et quelques magnifiques morceaux de Cat Power, on retrouve également Eddie Vedder et sa fille Olivia Vedder, on s'est passé un morceau il y a quelques semaines dans The Rock, c'était le coup de cœur, et puis on retrouve celui qui compose, qui joue sur les morceaux interprétés par Eddie Vedder, son vieux complice désormais, Glenn Hansard, ex-chanteur des Frames, et vieil habitué dans The Rock, ce que j'ai eu le plaisir d'interviewer il y a quelques lunes de cela, voici un de ses morceaux qui figure sur cet album, As You Did Before. mean more to me than flowers. Don't leave them at my door. Come spend some hours, I'll spread a blanket on the floor. You have me driven half crazy. You don't see me anymore. Throw down these walls and veils and greet me as you did before. When you were here before, before you went out roving and a rambling. Now I sing no more. Bells will ring no more. That song and dance, that old romance that took you around the world. I'm disoriented. I've been traveling so long. Were you just here beside me in this room now, or are you gone? This confusion covers everything now. I used to live for the illusion. Now the illusion's breaking down as it did before. When you were here before, before you bit off more than you could handle. Now I speak no more. Turn the cheek no more. Do that song and dance, that old romance that took you around the world. You're no good to me when you're broken. Hard to look at when you're all messed up. And your heart is pouring out in all directions. There's no shame in losing. Being the bearer of the beaten hand. And the truth came out when the cards went down on the table. As they did before. When you were here before. Before you told me that I ought to be grateful. Now I'll sing no more. Wear your ring no more. Do that song and dance, that old romance that took you around the world. And I'll speak no more. Turn the cheek no more. Not since you made me swear upon the Bible. And I'll sing no more. Bells will ring no more. To that old romance, that second chance, the third, even the fourth. And I'll speak no more. Turn the cheek no more. Well, you know where to find me. If the curtains are drawn, you can come. Like a kite. Lorsque j'avais rencontré pour la deuxième fois l'immense Sarah McCoy, c'était dans le théâtre du Pithiviers, voilà, petit théâtre au cœur du vieux Pithiviers, et donc elle m'avait accordé cette deuxième interview. On en était là, avec des lives, avec elle toute seule sur scène cette fois, Et puis juste ce morceau, Beautiful Stranger, à l'époque il n'y avait pas d'album. Et puis l'album est sorti, et puis ça a commencé à mousser. Elle a été album événement culturel de la semaine dans Télérama. Elle est passée sur FIP, elle est passée sur Arte. Ça a commencé vraiment à grimper pour elle avec ce bel album qui s'appelait Blood Siren. Et puis le Covid est arrivé, et puis tout s'est arrêté évidemment comme pour tout le monde. Et bien voilà, l'été dernier j'ai retrouvé Sarah McCoy au Campo Santo à Orléans, où elle s'apprêtait à passer en trio. Elle était morte de trac puisqu'elle reprenait les concerts. Ce mélange qui fait ce qu'elle est depuis le départ, c'est-à-dire à la fois de l'exubérance, de la joie de vivre et une sensibilité à fleur de peau. Alors un petit rappel, Sarah McCoy nous vient de la Nouvelle-Orléans avec une adolescence et une jeunesse très difficile. Elle a été SDF, pianiste assez virtuose qui jouait dans les bastringues et les bars enfumés et moites de la Nouvelle-Orléans sur des concerts qui duraient 2-3 heures parfois. Et puis comme elle l'a dit elle-même, j'ai vu l'évolution de ma vie en regardant ce que je voyais au-dessus de ma tête en m'endormant. Alors au départ c'était le ciel étoilé puisque j'étais SDF, et puis ensuite c'était le toit d'un van puisque j'ai vécu dans un camion pendant quelques années, et ensuite ça a été les chambres d'hôtel. Et bien oui, Sarah McCoy a gagné un petit peu en notoriété, imposante, magnifique sur scène, d'une beauté incroyable, qui éructe, rugit et à la fois est capable de trembler et de pleurer sur scène. J'ai vraiment un énorme plaisir de la retrouver en interview. Je lui avais apporté ses petits saucissons rituels puisque son mot préféré français était saucisson. Là, elle ne va pas en parler, mais voilà, elle a eu ses petits saucissons, et on va retrouver donc Sarah McCoy dans les loges du Campo Santo. C'était au mois de juillet, et voici une interview exclusive pour On The Rocks. Si ça démarre. Donc je suis avec Sarah, on se retrouve pour la troisième fois dans The Rocks. Vous avez dû écouter les interviews précédentes. Salut Sarah, elle, vous allez voir en français. Bonsoir mesdames et messieurs. Alors là, voilà, donc je suis là pour faire une interview sur ta musique, mais à la fois pour vérifier ton niveau de français. Bienvenue en The Rocks, je suis Sarah McCoy. Hello. Alors depuis notre dernière rencontre, il s'est passé beaucoup de choses. Tu as sorti un album, parce que la dernière fois l'album n'était pas sorti. Tu as sorti le disque, et il y a eu cette pandémie qui a tout fichu en l'air pour les concerts, et qui t'a empêché de faire ce qui est au centre quand même de ta vie depuis longtemps, c'est-à-dire le concert, face aux gens. Pas avec cette pandémie de coronavirus, tu n'as pas pu le faire. On parlera de l'album après, mais comment est-ce que tu as vécu cette période où tu n'as pas pu jouer devant des publics? Ça c'était intéressant pour moi en fait, parce que j'étais sur une page blanche pour longtemps, pour à peu près 2 ans, et j'ai trouvé l'espace et en tendresse de recommencer, d'essayer d'exprimer moi-même, parce que j'étais vraiment tous dans l'air quoi. Et j'ai aussi un nouveau logiciel, donc je disais ok, j'ai plein de temps, j'ai pas une excuse pour ne pas essayer. Et quand j'ai lancé ma chance avec ça, j'ai commencé à apprendre des nouvelles choses. Et, donc, soudainement, il y avait juste un sortie de son de moi, et ça changeait. En fait, normalement, c'est un piano devant moi. À la Nouvelle-Orléans, c'était mon piano vieux, un peu désaccordé. Ça, c'était une autre chose. Un vrai monde du son dans le logiciel. Je peux plonger et vraiment trouver des petites choses tordues de trouver. Est-ce que tu as eu le vertige de la page blanche, ou est-ce qu'au contraire ça a été très créatif? Ça m'a fucking tout. Pardon, excusez-moi. Mais non, la page blanche c'était une galère pour moi, parce que au début, juste avant le Covid, j'ai eu un contrat et la belle maison disque me demandait est-ce que tu as écrit un hit. Comment est-ce qu'on va savoir? Bien, si c'est un hit, quoi, you know, bien sûr, tu entends les histoires sur MTV, c'était un hit depuis là. But, you know, ça c'est une question, en fait, qui casse le dos. Parce que, it's like, c'est danser, petit singe, est-ce que t'as quelque chose, ou on va le jeter, hein? And, j'étais jetée, but, de casser cette, ou de, pas casser, mais d'écrire finalement sur la page blanche. Et c'était parfait, en fait. On doit exister de temps en temps dans un peu de silence, de trouver exactement quoi faire. Oui, en fait, j'ai depuis like 2 ans ou quelque chose comme ça, j'ai commencé à voir un psychologue, en fait, où on a discuté la pression de page blanche, pas quand c'est cassé. Elle a vu des couleurs qui a commencé de sortir de moi. Elle était like, yeah, c'est parti, t'étais prête. So it was cool. Yeah, it's, et je suis arrivée encore avec les nouvelles pressions de le nouveau monde de sortie limbo, quoi. Mais, c'est arrivé encore. You know, c'est, en fait, it's like le moment où on commence de vendre quelque chose, ça devient blanche encore. Mm. So it's like le chose on veut faire, mais quand on commence à le faire, it's like le verre commence de vider. You're like fuck. Non, j'ai besoin d'espace. Est-ce que j'ai profité assez de cette période de silence, de calme, quoi? It's, confiance et doute quand même. Yeah. Interesting. I try not to think about you, 'cause it feels so wrong. Mama told me time will make you better, but it always takes too long. Just when I can see it, baby, I blink and then it's gone. And there's always something in the way. Whoa, it's something in the way. Whoa, it's something in the way. Would I want another distraction? Defines another day. Another destruction. Gonna blow my mind away. Well, I've been making wishes, but I can't catch a break. There's always something in the way. Whoa, it's something in the way. Whoa, it's something in the way. What I like to take, but I like testing fate, my babe. I cut my hair and tattoo my face. There's something's always in the way. Touch me, I'm red hot, burning on flame. I'm gonna leave, but I wanna stay. The price of forbidden love is the shame. You would be better forget my name, but I've got no dirt and I ain't the same. Your love was no good, my heart was no game. I'll think of you every time. I'll think of you every time. Every time a record plays, every time my record plays. À l'instant, c'était Sarah McCoy, donc tirée de son dernier album en date, qui s'appelait donc Blood Siren. C'était un extrait qui s'intitulait, je ne sais plus, ça s'appelait Red Hot, excusez-moi, pardon. On retrouve donc Sarah dans les loges du Campo Santo, c'était à Orléans, au cœur de l'été. Et donc, on va parler un peu de l'album qui est sorti. Blood Siren. Ouais, Blood Siren. Mais d'abord, pendant cette période-là où tu étais avec la page blanche, est-ce qu'il y a des disques d'autres artistes qui t'ont aidé à tenir? En fait, oui. J'ai écouté en fait beaucoup de Cardi B quand elle est sortie Bodak. Alors est-ce que ça c'est tu as bien Cardi B? Bah ouais, c'est la première fois que je vais passer du Cardi. It was ça m'a donné quelque chose. J'étais like hyper sexuelle, soudainement et libérée, j'ai mon fou. And it was really good. And aussi j'ai écouté beaucoup de James Blake, Polo and Pan, Flavien Berger ou Berger. I'm sorry, I don't know how to say his name. Zevdalzia, j'adorais Zevdalzia. Et Gucci Mane, Drop Top Wap. Cet album, c'est toujours sur mon lecteur, Drop Top Wap. That shit is, yes, j'ai découvert en fait pas mal des choses un peu électroniques, un peu noires et hypnotiques et sinon un peu dissociatives. If that's a word. J'ai lancé le mot en français. C'est validé. Les progrès sont validés. Mais quand même, so that's, ça c'est un petit glisse qui, en fait, je suis toujours parce que il y avait des éléments dans chaque artiste que j'ai trouvé extraordinaire, quoi. En large, et toujours, il y a jamais pas. Sur un dimanche de cuisiner, c'est le Buena Vista Social Club. Mais ça, c'est bien pour cuisiner. Ça, c'est et de fêter n'importe quoi. Yeah. Well, it's Dos Gardenias para ti is like la chanson de mon cœur. Dos Gardenias para ti. Je peux pas chanter. Alors, je vais la diffuser. Comme ça, les auditeurs pourront cuisiner. Dos Gardenias para ti. Con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirán. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo, y hasta creerán que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Go. Well, I miss her. Where did she go? The girl who would dance through this world on the tips of her toes. I miss her. Go. I remember back when I was young. I remember before all of my troubles had begun. A girl with the sun in her eyes and no wind on her back. Well, I'm a answer, but she's gone like a train down the track. Time will claim all it lands. We die just to be born again. I saw the girl I couldn't remain, dancing like a fool with no cares in the rain. Will I miss her? Will I ever see her? Will I miss her? Will I ever see her again? The girl who had traveled this world in torn, dirty clothes. Will I miss her? If you see her, will you let her know? All it lands, we die just to be born again. And I saw the girl I knew in myself, dancing, dancing in somebody else. I saw her in the mirror. No, she wasn't the same. Saw her in the mirror, I counted the lines on her face. The girl who would love anyone, only just because. Ain't the woman that I see, but the girl that she was. But the girl that I was. Un magnifique titre tiré du dernier album de Sarah McCoy, et premier album de Sarah McCoy qui ravirait sûrement le psy dont elle parlait tout à l'heure. C'était I Miss Her, et juste avant c'était Buena Vista Social Club avec cet album donc de Sarah McCoy. Je vais lui en faire part, qui a surpris un petit peu, puisque pour ceux, celles et ceux qui avaient été ravis de la voir sur scène pendant des années, c'était vraiment une hurleuse qui vraiment faisait vibrer les murs des salles où elle jouait. Là elle est tout en retenue, alors on sent bien que c'est le feu sous la glace. Mais en tout cas, ça demande qu'à sortir, qu'à bouillir, mais il est contenu, et cette exubérance contenue est encore plus touchante. On la retrouve donc dans les coulisses du Campo Santo, c'était au mois de juillet dernier. Alors l'album, il a surpris beaucoup de gens, moi le premier, je l'ai aimé énormément cet album, mais il a surpris parce que sur cet album, contrairement à ce qu'on pouvait voir sur scène depuis des années, tu as été plus douce, plus feutrée. Est-ce que toi-même tu as été déstabilisée par cette voix un peu nouvelle que tu as explorée sur l'album? Oui, en fait, c'était pas totalement mon envie, mais quand j'ai commencé à bosser avec Chilly Gonzalez, par exemple, on a discuté beaucoup, en fait, les différences entre jouer en live et un album. And il y a toujours une différence, et il y a quelque chose on peut profiter sur un album, et c'est pour montrer la tendresse, parce que ça c'est hyper dur de faire sur la scène avec la bruit. Et pour moi il y avait quelque chose, j'ai pas vraiment noté, mais mon style était vraiment gravé par le fait que j'ai joué en large dans les bars qui étaient remplis avec les gens bourrés. Oui, bah, et le truc c'était de chanter avec la tendresse. J'ai eu le pouvoir de chanter, c'était impossible. Il faut toujours jeter la gasoline, pétrole sur la flamme, et you know. Donc il me disait, peut-être on va faire le douceur et les moments larges, et ça va laisser la musique en fait exister un peu dans l'endroit tendre où tu as créé ça dans ta chambre. So, well, that's interesting, okay. parce que je peux toujours chanter comme ça live. Et il y a des chansons pas mal maintenant sur mon nouveau album qui va sortir, on sait jamais où, quand, parce que c'est, il y a bouchons dans l'industrie partout, dans chaque maison. Mais c'est, je pense que j'ai retrouvé en fortesse et aussi gardé la tendresse. Mais c'était, il me disait, let them earn it, l'audience. But yeah, c'était un critique que j'ai reçu souvent, mais ça me blessait pas de recevoir ça. J'ai compris. Mais en fait, il y a deux choses là de profiter. Il y a les gens qui peuvent écouter ça en calme et fêter avec moi aussi. Il y a deux raisons de me trouver. That lights her silhouetted on wires. It was the old window frame catching rusty twirls like a cheese puff in the rain. No, I didn't stand a chance. I was a laid out piece of street debris, dancing down Decatur Street. What was this? What did I find? Rolling on this New Orleans tide when I went down to the side, the riverside. The breath of sweet olive trees steeped the summer's heat as they heave their breath into the street. Yes, and dangle from the feet of bees. It was the baskets and the bees hanging from those balconies. It was them flowers and flags. It was the flanderlies. Maybe you were listening while the saints go marching in. It was that steam fog rolling off the Mississippi. What was this? What did I find? I'm rolling on this New Orleans tide when I went down to the side, the riverside. Vous êtes dans The Rocks et ce soir, c'est une interview de Sarah McCoy. Mais la tendresse était déjà présente sur scène, avant, bien sûr, elle était là. Oh, merci. Mais là, sur ce disque, en fait, toutes les choses, il n'y avait pas de maquillage, il n'y avait pas de rugissement, il n'y avait pas de blagues entre les morceaux. Et là, tu étais un peu naked. Yeah. Ouais. Et est-ce que ça colle le vertige? Il n'y avait pas tous ces moyens. C'est une question intéressante, mais non, par là, je pense que j'étais prête. You know, j'ai eu plein des essayages avant ça, qui n'est pas arrivé de sortie ou sortie bien. J'ai fait un album en live, bien sûr, quand j'habitais à la Nouvelle-Orléans, de faire les pourboires, etc. C'était un moment où j'ai attendu. Donc, oui, j'étais prête pour. You know, les gens peuvent dire, oh, c'est pas ce que j'étais en attente, mais c'est pas vraiment arrivé. Et justement, sur cet album, comme souvent tu te livres beaucoup, quelle a été la chanson la plus émotionnellement difficile à enregistrer? Sûrement, ça, c'était Mama Song. Je pense que et toujours, c'est toujours la plus difficile chanson de chanter aussi. Son pleurer juste parce que oui, et ça arrive de temps en temps, mais j'ai pas peur de ça. C'était un moment dans ma vie dur, quoi. Donc il y a les gens qui peuvent partager ça, mais aussi quand même quand j'ai enregistré cette chanson juste par hasard, c'était l'anniversaire de la mort de mon père le même jour. Yeah, juste par hasard. Donc, c'était comme un couteau dans mes tripes et j'ai caché ça. Mais finalement, après, c'était enregistré. On était en train de l'entendre. J'étais like. Peut-être dans un moyen, c'était un moyen pour eux d'exister dans le même moment avec moi encore. Yeah. Yeah. Dear Mama, it's almost my birthday. You knew I'd use my thumbs. They fleck the ashes to the ground and keep me on the run. Now, dear Mama, is it frightening to watch yourself get doomed? Mama, will I know? I found home. Now, dear Mama, it seems to me, yeah, just the sun and moon are real. Indeed, the farthest things from my touch. From my touch. Well, I don't like who I am, who I've been. The sun is rising, and it's all uphill from here. And I've been running from the levee. Let's caution, what is still? Mama, I'm so sorry. Where for all my mistakes? If forgiveness is a I am who I've been. for me. Oh, mama, when you talk to God, pray that he sets me free. Qu'est-ce qu'a changé Chilly Gonzalez dans ta musique? Il arrive, il m'a donné le confiance de dire like, hey, fuck, t'as quelque chose là. Et, il y avait du monde qui m'a disait ça, mais d'avoir quelqu'un avec un pianiste comme lui, ça m'a touché. Mais de refiner, il m'a montré un moyen de refiner la musique, mais pas trop, mais couper rien en fait. Donc ça, c'était une chose avec mes albums, parce que tous mes chansons étaient écrites par être, you know, 6 minutes chacun. Et pour enregistrer ça, c'est chiant, quoi. Et, you know, bah, ça, c'était parce que tous mes concerts au bar étaient 2 heures, 3 heures. Donc, chacun était composé pour prendre du temps. Et aussi, le humeur, ce qu'on expérience sur la scène, pardon, c'est à cause de ça aussi. You know. Mais pour Life, il m'a enseigné comment améliorer quelque chose, mais donner la forme plus court et louper rien. You know, de livrer quelque chose serré, complète, émotionnel et bon, you know, dans un moment. Mais il a volé rien, sur, you know, j'étais laissée de faire une chanson de, you know, 6 minutes à quelque point. C'était pas interdit, c'était juste de faire les expériences avec tout son et tonalité. Je sais pas si ça c'est le mot en français. Oui. Comment grandir et le volume, etc. C'est spécial parce que en fait son personnage sur la scène c'est montré avec beaucoup de ego et arrogance, mais en fait dans le studio il est un mec hyper sympa. Je veux pas casser son image, you know, like c'est son personnage qu'il artistiquement qu'il montre et celui, mais entre Renaud, le temps, moi-même et lui, c'était un partage. Et on n'a pas subattre pour montrer une idée ou essayage. On était tous ouverts, en fait. And it was bizarrement facile pour enregistrer moi. On tous a dit ça parce que normalement, il y a quelque chose à dire. Je ne suis pas du tout d'accord. Mais il n'y avait pas un moment qui arrivait comme ça. C'était là pour te faire accoucher. Oui. Yeah, c'était pas pour dire like, hey, fais ça comme ça. It was like, bah, comment est-ce que on peut nourrir ce que tu as déjà fait, hein? So that was really cool. Et je suis remerciée pour ça aussi. On le retrouve sur l'album suivant. On sait pas quand ça va sortir. Je veux pas casser le surprise avant like on fait en vrai sortie d'informations sur les réseaux sociaux, mais. C'est parti. Yeah, c'est parti. say to say goodbye. If you want to, baby, just cry. There's nothing gonna make sense all the time, but someday it'll be alright. The lights are down, the curtains drawn, the crowd is gone and the lights are off. I don't care about fame and I might be poor, but that line's too long and life's too short. Don't rush, baby, now catch your breath. And every time you try, try your best, 'cause nothing's gonna work out every time. But well, someday it'll be alright. Do do do do do do do. De Sarah McCoy, ensuite le Lana Del Rey medley et le Venetian Blinds de Chili Gonzalez, le Show's Over de Sarah McCoy à l'instant, et on la retrouve en interview dans The Rocks avec une belle reprise ensuite de Etta James. C'est la scène maintenant, tu as déjà fait une date à Montreux, déjà quelle a été ta sensation lorsque tu as posé à nouveau tes mains sur le clavier devant un public? J'ai tremblé. Ouais. J'ai tremblé fort. Ma voix quand même, et tous mes amis et mes managers, équipe, ah ben non, on n'a pas entendu ça, pas du tout. C'est like, pas moi. Parce qu'il y a les petits trucs que j'aime bien faire dans les mélodies, les petits détails que je ne pourrais pas faire parce que j'étais en train de trembler. Donc les notes étaient plus directes. Hein. Je disais, oh fuck, il y avait moins de joues. En fait, j'ai trompé beaucoup, en fait. Mais... c'est un truc que j'ai discuté un petit peu avec mon équipe. Quand tu écris un mot avec les vraies lettres au début et au fin, et mélange les lettres ensemble dans le centre, ta tête lit le vrai mot. Et c'est un peu like comme ça. Avec la musique, c'est juste là et c'est juste là. Et si j'ai mélangé une petite chose dans le centre, le cerveau avec les images, les lumières et mon cœur et ce que l'intention, ça complète le mot de ma musique, quoi. Does that make sense? Sometimes, de temps en temps, je sais jamais si je juste parle nonsense, n'importe quoi en français, parce que. Si tu vois mes sourcils comme ça, c'est pas bon. Bah, c'est moi aussi. Mes sourcils sont toujours en bas. Et là, tu as de l'aide sur scène, puisque vous êtes trois maintenant. Oui. C'est nouveau. Alors, est-ce que c'est agréable? Est-ce que t'appuient sur eux? Est-ce que vous vous surprenez? Est-ce que vous surprenez les uns les autres? Et oui, c'est une vraie expérience parce que c'est parti avec mes démos, mes maquettes, de entendre ça et dire, c'est, oui, de dire, c'est quoi possible sur la scène avec nous les trois? Parce qu'il y a, c'est en fait un gâteau de ça quand tu construis une chanson sur un logiciel. Avec les pistes. Donc, comment le faire sans faire playback pour l'ensemble. Et, c'était eux, ils ont fait plein de travail. J'ai dit, je ne sais pas si c'est en expression française, mais menu diving, de plonger dans les cartes du son, dans leur instrument, de trouver quelque chose qui a donné la même atmosphère, un peu noir, nucléaire, pour présenter les nouveaux chansons et quelques vieux aussi. And it was, c'était intéressant de le faire parce que ça c'était tout neuf pour moi, mais pas pour eux, mais quand même tous les trois ensemble, c'était pas mal de boulot d'arriver. Mais finalement c'était comme, I don't know how to say this, but it zipped up, you know, just like, oh, blablabla. Ok. And, you know, le plus qu'on joue, le plus que ça va améliorer, on va trouver notre chemin. Mais c'est un bon, peut-être un expériment pour l'instant. Et moi aussi, parce que ça, aujourd'hui, c'est une nouvelle forme quand même. Et, hein, ça, on a pas joué la même concert deux fois par maintenant. Donc, mais de sortie, le Covid, le éther de Covid, de faire quelque chose de nouveau et être fraîche en fait. Je suis bébé. Something told me it was over. When I saw you and her talking, yeah. Something deep down in my soul, say, cry, girl, cry, girl. When I saw you and her talking, yeah. I'd rather go blind, boy, than to see you walk away from the child. So you see, I love you so much, I just can't watch you walk away. Oh, oh. Most of all, I just don't wanna be, yeah, I just don't wanna be free. Away from Peut-être c'est là, lorsqu'on voit qu'elle est capable de s'attaquer à un monument comme Etta James, qu'elle est elle-même un monument. C'était donc un instant Sarah McCoy dans sa reprise de I'd Rather Go Blind. Eh bien, on reparle de Etta James et de cette reprise et de cette chanson tout de suite maintenant avec Sarah McCoy. J'ai vu que tu avais repris une chanson d'Etta James. Ouais. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Juste cette chanson, est-ce que Etta James représente quelque chose d'un peu plus important pour toi? Well, ça c'était parce que, je suis désolée, je dois continuer à faire le maquillage, juste parce que, ouais, bah, ma tête s'est tournée. J'aime bien de te regarder. Bah, en tout cas, c'était pour Blog Tech qui m'a demandé de faire une reprise d'une chanson de l'amour. Et au début, j'ai pensé, peut-être je vais faire At Last. Parce que ça, c'est une chanson que j'ai toujours voulu chanter, mais je chante sur le côté noir un peu, ouais. Donc, en ce moment, j'ai eu un petit ami, c'est pas assez bien, j'ai eu un peu chaleur dans mon cœur, mais par le temps, c'est arrivé de faire une décision et le faire. La relation est cassée, j'étais plus amoureuse. Donc, j'ai choisi une chanson de l'amour, mais sur l'autre côté, comme d'habitude. And pour moi, Etta James, c'est une artiste que j'ai écoutée. L'émotion. Est-ce que tu as vu elle en train de chanter I'd Rather Go Blind en live? Non, je ne l'ai pas vu pareil en live. You've got to. Il faut. Elle est sur la... Mais je ne peux jamais donner le pouvoir. J'ai le chair de poule juste de penser. Elle a cette jolie afro qui brille dans les lumières sur la scène. Elle transpire. Elle est juste remplie avec ses émotions, ses sourcils. Elle fait la petite chose avec ses sourcils et son visage mignon. Et elle commence juste à fendre son cœur devant toi. It's just absolument... Et pour moi, ça, c'est juste... C'est le mélange de l'amour et le résultat de l'amour et de l'immérence et des choses. Donc pour moi, ça c'était le choix. Et je toujours, quand mon cœur est cassé, j'arrive à être James chaque fois. I always go at it. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Before, no, no, yeah. And I just wanna tell you right now that ooh, I believe, I really do believe that something's got a hold on me here. Hurting on me, I said, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, It's called Voodoo Man. Ça, c'était la Sarah McCoy première version lorsque je l'avais rencontrée la première fois il y a bien des lunes. C'était à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Merci Fred Salé pour ça. Je devrais dire merci Louis Arthur, alias Fred Salé. Donc c'était le morceau Voodoo Man enregistré avec mon petit micro assis sur le tabouret à côté de Sarah McCoy qui s'échevelait à jouer ce morceau. Et bien voilà, son style a bien évolué. On la retrouve pour une dernière fois en attendant le prochain album et la prochaine prestation scénique. Il y a eu des moments très beaux en trio. Alors c'est vrai que moi je la préfère quand même en solo, et puis il y a des moments un peu plus dispensables en trio avec des petits trucs électroniques qui, je pense, n'ont pas grand chose à voir dans sa musique. En tout cas, on va voir ce que ça donne par la suite. On la retrouve donc avec Devil's Prospect, ça sera le prochain morceau, mais pour l'instant c'est la fin de l'interview. Merci beaucoup au Théâtre d'Orléans et à tous ceux qui ont permis, celles et ceux qui ont permis de réaliser cette interview. C'est dans The Rocks et c'est maintenant. Alors maintenant, un cauchemar, imagine, deux questions encore. Un cauchemar, tu vas bientôt rentrer sur scène et t'as pas de maquillage. Je suis totalement ok. Comme je te dis, j'ai commencé à voir un psychologue, de vraiment plonger dans mes pensées, depuis les derniers presque 3 ans. Je dois être ok avec moi-même, comme tout le monde. On a le droit d'être confortable avec maquillage, sans maquillage, avec piercing, tatouage ou sans. Si ça arrive, je vais jouer comme j'ai joué dans l'été à la Nouvelle-Orléans. C'était impossible de porter le maquillage parce que c'est trop humide. J'ai eu le visage comme un porn star après la fin du film. Donc, pardon, but that's the reality, quoi. Donc, c'est pas vraiment un cauchemar pour moi. I mean, c'est en préférence, mais aussi j'ai l'avantage qu'ils me donnent maintenant les bouquets au concert. Donc, au moins, je peux mettre des fleurs dans mes cheveux. Maquillage, c'est pas la chose spéciale, c'est l'esprit. Donc, je suis désolée, je dois partir bientôt. Ok, juste, est-ce que tu as une dernière question à poser aux auditeurs, toi, aux Français, que tu comprends toujours pas en France? What? I'm sorry? Une question que toi, tu veux poser aux auditeurs français qui vont écouter l'émission. Wait, there's a good one. Ah, le droit de la droite. Dans la route, les voitures qui entrent. Le droit, c'est... Oh, fuck. Pourquoi? Why? That's my question. Okay. Merci beaucoup. Yes, have a good show tonight. Stop signs, y'all. Put up some fucking stop signs. J'ai presque mouru au moins 10 fois à cause de ça. Fuck. J'ai besoin d'un casque, mais je veux pas. D'accord. Donc, priorité à droite. OK. Merci. Thank you so much for that. Merci. Aloysius Leander felt his bones run dry as he drank all his whiskey and rye. The devil came in, he said, pour me some gin. Walking a long road at once. So I'm going to find on the day. I'm going to find on the day. Where I'm going, I'll find him down a long road at once. Going to find where he lay. Where my bones are stacked like rocks. And I take to the wind like the sea. Where I'm going, boy, Lord, I sell the devil my soul to bring back my lover to me. So I'm going to find on the day. I'm going to find on the day. Where I'm going, I'll find him down a long road that winds. Going to find where he lay. Papa, you can't save me now. I ate red fruit from the seed. Lord, I sell the devil my soul, and there forever I will be. Oh, McCoy à l'instant, tiré de son dernier album et premier album, et en attendant le prochain, c'était donc Devil's Prospects. Je vous laisse avec Rémi, la Red Arc du sport, un petit morceau de Birds on the Wire alias Rosemary Stanley et Dom La Nena qui a donné un magnifique concert, feel good concert, c'était au conservatoire lors du festival Opopop. On reparle de Opopop dans les semaines qui viennent et la semaine prochaine probablement. Voici donc leur reprise de Wish You Were Here des Pink Floyd. Ça fera une petite transition avec Rémi. Je vous retrouve donc la semaine prochaine dans The Rock. C'est l'interview isolée de Sarah McCoy avec les morceaux est déjà disponible sur le site ontherocks.net. Ciao, bye bye et restez bien pour Rémi. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did it get you to trade your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, hot air for cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk apart in a war for a lead role in a cage? She worries.